Radio. Eh, hey, Michael, c'est John McLean. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Michael à la radio. Michael à la radio. Allez, youpi kai, bon réveil tout le monde, c'est Fun Radio. Michael à la radio tous les matins entre 6h et 9h30 avec les factures. On va vous les rembourser tout à l'heure. Ça sera 7h10, 8h10 et 9h10 sur Fun. Trois fois par jour, on vous rembourse vos factures. Pour ce faire, c'est facile. Il suffit de vous inscrire. C'est 1€ par message, 63,22. Débutez le message par facture, tout simplement, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous rappelle en direct à la radio, ce sera vers 7h10 tout à l'heure. Si vous décrochez, c'est gagné, on vous rembourse cash la facture, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et souvenez-vous, comme aujourd'hui on est jeudi, forcément hier on était mercredi, et le mercredi c'est... les magnifiques critiques cinéma du magnifique Menzov. Oui maman, mais pas venir Ukraine maintenant. Oui, je vais aller voir Robinette, on met beaucoup de travail avec nouveau film. Dites monsieur Menzov, ça vous dérange pas qu'on soit à l'antenne pendant que vous êtes au téléphone? Ok maman, oui je dois te laisser. Oui, je dirai à Robinette, bon baiser de Belgique. Désolé, mais maman au téléphone, Michael. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tiens, votre frère Robinetto, là, il est pas là aujourd'hui? Non, je suis très triste, car Robinette au hôpital. C'est pas marrant, ça. Enfin, ce sera toujours plus calme que les autres fois, hein. Mais bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Menzov, là? Enfin, sans vouloir être trop indiscret, là, vous avez l'air triste, là, il y a eu un drame? Oui, frère, beaucoup boire hier et bagarre pendant un tournage. Bah, tiens. Vous êtes comme ça? Mais alors, avec qui? Vous le dites à personne, alors? Non, et puis en plus, c'est pas comme si on était à la radio en même temps, hein, monsieur Menzov. Hier, on avait cascade avec monsieur Belmondo et Robinetto disputé. Et... enfin, bah, maintenant que vous avez commencé, on veut tout savoir, là, dites tout. Bien, donc, frère, disputé avec monsieur Belmondo pour faire cascade et chien de monsieur Belmondo a mordu nez de frère. Enfin, entre nous, hein, tant que c'est pas les couilles. Non, parce que le chien de Belmondo... Enfin, Toff, le chien de Belmondo, il est aussi grand que ma main. Enfin, cela dit, je peux comprendre que ça puisse faire mal. Hein. Mais bon, vous voulez toujours faire les critiques ciné aujourd'hui, monsieur Menzov, ou pas du coup, alors? Non, Michael, je préfère aller voir frère à l'hôpital. Oui, bah, enfin, vous avez raison. Allez-y seulement, hein. Est-ce que je peux demander quelque chose, monsieur Michael? Bon, ça m'ennuie un peu, mais allez-y toujours. Est-ce que vous pouvez tous faire prière pour frère et mettre musique Ivan Rebrov pour vite guérir? Bon, bah, deux secondes, alors, hein. Ah non, mais quelle horreur. Ah bon, bah c'est pareil, hein. Bon, monsieur Menzov, la bonne soirée. Oui, c'est ça, vous pouvez partir, hein. Mais ah, ça fait quand même des vacances, hein. C'est triste pour son frère, mais quand même, ça prend moins de place dans le studio, quoi. Attends, il est parti, là. Ah ouais, là, il est parti, ouais. Michael, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier, ta gueule, Cartman. Écoute, Michael à la radio, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Michael à la radio. Michael à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Michael vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil, et Michael à la radio tous les matins, 6h, 9h30, on est là avec vous. Mais oui, tout à l'heure on aura la ligne anti-relou, évidemment, on aura la devinette qui colle et la question qui colle. Avec un peu de chance, vous repartirez peut-être avec des télé écrans plats haute définition, j'allais dire HD et haute définition, ça fait haute définition. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, vous allez bien voir à mon avis, hein. Ce sera gagné donc tout à l'heure, donc restez bien là. Première devinette qui colle à 6h30 et première question qui colle à 7h, voilà, aussi simple que ça. Et puis là, nous avons avec nous Charles était avec nous hier, il cherchait une école. Vous savez que c'était un peu compliqué pour certains élèves de trouver une école pour la rentrée. Et donc Charles a essayé de téléphoner pour avoir rendez-vous dans une école pour sa rentrée, en fait, tout simplement. Il est toujours avec nous, évidemment, Charles. Ouais, évidemment, je suis là. Attends, en plus c'est cosy chez vous. Moi je peux revenir demain. Ah oui, on est bien ici, hein. Oui, non, demain, il va falloir que tu prépares tes affaires pour aller à l'école. Ouais, enfin Charles. Ça va, faut encore la trouver l'école, c'est oui, bon. Oui, bon, pour ceux qui n'étaient pas là il y a une heure, Charles est venu nous montrer sa galère donc pour trouver une école. En même temps, Charles, tu t'y prends un peu à la dernière minute aussi, hein. Ouais, mais attends, avant il y avait les vacances, oui, c'est bon. C'est pendant les vacances, tu penses à autre chose. Bon, on a appelé des écoles tout à l'heure, ça s'est plutôt pas trop mal passé, hein. On a appelé à Philippeville, Bruxelles, maintenant on va aller où, Charles? Tu vas aller où? Je sais pas, moi. Mons, ça va, Mons? Ouais, c'est toujours plus près que Philippeville, hein. Bon. Vas-y, on y va. Allez, c'est parti, on y va. On appelle à Mons maintenant. Voilà. Ah, ça y est. Enfin, oui. Fais quelque chose. Attendez, gendarme, bonjour. Wesh, madame, bonjour. Voilà, j'appelle pour m'inscrire. Oui, en quelle section, monsieur? En fait, ce serait pour la 4e économique. En quatrième économie, oui. Mais vous pouvez venir vous inscrire le plus tôt possible, sera le mieux. Alors, n'oubliez pas de prendre avec vous d'abord la photocopie de la carte d'identité. D'accord, ouais, c'est pas problème. Une petite photo d'identité. Ah ouais, il faut que je fasse des photos, ouais, d'accord. Et le bulletin. Vous êtes sûr, vous voulez le voir, madame? Absolument. Ah oui, parce qu'il n'était pas... Enfin... Oui, mais même s'il est très mauvais, on doit voir le bulletin. D'accord, ça va. Et vous étiez en quelle année l'année dernière? Quatrième. En quatrième économie, et vous voulez recommencer? Ah oui, parce que c'était pas terrible, quoi. C'était pas terrible. Non. Écoutez, vous prenez tous les documents que je viens citer, et on procédera à l'inscription. Vous n'avez pas été renvoyé de l'établissement dans lequel vous étiez? Non, je n'ai pas été renvoyé. Il n'y a pas eu de problème de discipline? Non, c'est juste que j'y allais pas souvent, mais bon, c'est pas ça. Ah, vous n'alliez pas souvent? Oui, bon, ça, c'est pas grave, mais c'est parce que j'ai du business au quartier, vous comprenez, je peux pas toujours me permettre d'aller à l'école, quoi. Oui. Bah, voilà, mais c'est pas, ça pose pas de problème pour l'inscription, ça. Non, et qu'est-ce que vous faites exactement? Vous ne savez pas venir tous les jours parce que vous travaillez? Ouais, voilà, c'est ça, je fais un peu du travail dans le quartier, voilà, j'aide parfois mon pote, parce qu'il fait des trucs un peu, enfin voilà quoi. Oui, je vois que vous comprenez, donc c'est le principal. Voilà, bon, écoutez, vous vous présentez à l'école et votre nom et prénom, que je puisse noter comme quoi vous allez arriver pour une inscription, c'est comment? Alors, Charles. Janssens. Voilà. Et vous habitez à? Alors, moi, j'habite à Mons. À Mons. Ouais. Bon, d'accord, écoutez, vous venez avec tous ces documents-là, hein? D'accord. Merci, madame. Big up. Hein, c'est sympa de vouloir bien me prendre. Hein. Franchement, c'est cool de votre part. Voilà. Allez, je vous laisse. Hein. Au revoir. Moi aussi. Hein. La bonne journée, hein, madame. Elle est partie. Oh là là, et calme toujours. Hein. Mais attends, elles sont toutes quand même super patientes et super sympas. Bon, bah Charles, c'est pas gagné. Hein. Oh si, elle a dit c'est bon, je viens avec la photo, le bulletin, et c'est bon, elle a dit c'est bon. On verra. Ouais, bon, ça a l'air chaud quand même. Bonne chance pour cette année Charles, hein, on vous retrouve en juin. Ouais. C'est ça. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio. Pour un monde... Mais oui, chaque jour à 7h-, 8h-, et 9h-, la ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0473-86-0013. Dès que vous croisez un relou dans la rue, en soirée, n'importe où, eh bien, n'hésitez pas à lui donner ce numéro. Il pensera que c'est le vôtre et laissera son message. Et on écoute maintenant les messages qui ont été laissés sur cette ligne. Bonjour, je suis Nicolas, j'ai vu ton nom sur Internet et je voulais... te proposer de ensemble, de s'amuser, de faire la fête et autre chose. Voilà, rappelle-moi, au revoir. Bon, malheureusement, il n'aura pas de réponse. C'était un relou, mais un relou gentil. Oui, ça va, il a encore une voix sympa, voilà. Je trouve. Il n'a pas une voix de pervers comme certains l'ont. Oui, bah, comme lui, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, je sais pas quoi dire, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour, j'espère que ça va bien. Tu as déjà laissé quelques messages, non? Ah oui, certainement. Je reconnais cette voix. Ouais. Ah ouais, t'inquiète pas, il en a laissé pas mal là. Bon, et puis le dernier message aussi laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, allô Florence, ça fait 2 heures que je t'attends là. Allez, non. Moi je suis saoul là, et je t'attends, je suis pas bien. Ça s'entend. Tu m'as donné ton numéro et j'aimerais bien savoir quoi, tu vois. Et c'est pas cool pour moi de savoir que tu me réponds pas. Bah, c'est ça. Ça fait 2 fois que je te téléphone et c'est pas cool. À un moment donné, il faut comprendre. Je me rappelle, gros bisous. Voilà. Mais oui, gros bisous, bien sûr. Non, mais les pauvres, à un moment donné, il faut quand même comprendre que si on ne rappelle pas, on ne rappellera jamais. Oui, il y a de fortes chances. Ça ne sert à rien de laisser plusieurs messages. Il y a de très fortes chances, effectivement. Oui. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et bon réveil tout le monde, Mickaël à la radio, c'est chaque matin entre 6h et 9h30. Morning 100% belge avec vos messages qui arrivent aussi au 3044 par SMS. Et ça marche aussi sur mickaël.fm, c'est le blog de l'émission. Vous pouvez voir tous les messages. Et notamment hier quand Julie était en train de danser sur la déclaration express. Ah, c'était magnifique. Bref. Non, c'était pas magnifique, faut quand même pas dire les choses, faut pas mentir, c'est mal, alors, regardez, hop là, je me tape d'ailleurs, c'est mal. Donc vous voyez la vidéo et vous verrez la vidéo en vous connectant sur mikael.fm en toute simplicité. Déclaration express maintenant avec Sébastien Loeb, ça va? Oui, ça va, très bien. Bon, bah tant mieux. En pleine forme. Tranquille. Bah ouais, tranquille. Bon, on va appeler qui dans un instant? Enfin, on a qui au téléphone là pour la Alexis. Déclaration express? Alexis, bonjour Alexis. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ah, on t'entend mieux, beaucoup mieux que G, qu'on avait de Liège, ça c'est clair. Ah, c'est le bonheur. C'est pour ça qu'on prend des mecs de Charleroi, parce qu'ils ont des bons téléphones. C'est ça, c'est ça. On n'a pas bon, le choix. Alexis, t'as quel âge? 18 ans. 18 ans. Bon, on va faire la déclaration express. Tu vas appeler qui dans un instant? Ta copine, ta future copine? Sandrine, c'est ta copine ou ta future copine? Ta copine. Bonne amie. Ah, donc c'est pas ta copine, c'est une amie. Il aimerait que ce soit sa copine. Mais t'aimerais bien que ce soit ta copine. Ah, pourquoi pas. D'accord, ok, très bien. Elle est au coup, y a pas de problème. On l'appelle, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous, on enchaîne derrière. D'accord? Ok. Allez. Si c'est le répondeur, bah tant pis, hein, tu laisses sur un message sur le répondeur. Ça va être le répondeur. Kikou, c'est Sandrine. Si tu veux laisse. Laisse-moi aussi tes coordonnées, ce serait génial. Allô ma toute belle, c'est Alexis. Ouais, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai rencontré il y a plusieurs mois. Direct, j'ai voulu venir chez toi. Je pensais que t'avais déjà des mômes ou un mec avec une tête de gnome. On s'est connus sur un forum. Je me suis tripoté. Ah, je suis comme une dingue. Beaucoup d'instru hein, quand même. Ah, ouais. Ah d'accord, donc ça c'est de l'instru. Ok. Et on doit attendre. Ah bah oui, on doit attendre. Ouais. Y'a un truc très intéressant pour coucher ta. Même Rocco ne peut pas te blesser. C'est un truc qui me fait kiffer. Alors laisse-moi t'en dire. Non, ça va aller, c'est bon. On va aller jusque-là, ça sera très bien comme ça. Merci. Alexis a disparu. Bon, ben voilà. J'espère qu'elle aura bien apprécié sa petite chanson, sa petite déclaration express. Et tiens-nous au courant pour voir comment elle a réagi. Bien, mal, tout ça, dis-nous. Hein. Ah, ok, je vous tiendrai au courant. Bon, je compte sur toi. Salut Alexis, passe une bonne journée. Salut. Ciao. Au revoir. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio.